Module 9, étude 1. Signification de l'adoration. Le mot « adoration » signifie, selon le dictionnaire Larousse, « action d'adorer un être divin ». Dans le sens vulgaire du terme, « adorer » signifie « rendre des honneurs à Dieu ». Cependant, les esprits supérieurs affirment que l'adoration consiste dans l'élévation de la pensée vers Dieu. Par l'adoration, on rapproche son âme de lui. Ils expliquent également que l'adoration est dans la loi naturelle, puisqu'elle est le résultat d'un sentiment inné chez l'homme. C'est pourquoi on la retrouve chez tous les peuples, quoique sous des formes différentes. Il y a eu une époque où chaque famille, chaque tribu, chaque ville et chaque race avaient ses dieux particuliers, dans les louanges desquels le feu divin brûlait continuellement dans la cheminée ou sur les autels des temples qui leur étaient dédiés. En échange de ces hommages, ainsi le croyait-on, les dieux faisaient tout pour leur adorateur et se mettaient même au devant des armées, des communes et des nations auxquelles ils appartenaient, en les aidant dans des guerres défensives ou de conquête. Soulignons que le mot « dieu » avait chez les anciens une acception très étendue. Ce n'était point, comme de nos jours, une personnification du maître de la nature. C'était une qualification générique donnée à tout être placé au dehors des conditions de l'humanité. Or, les manifestations spirites, leur ayant révélé l'existence d'êtres incorporels agissant comme puissance de la nature, ils les avaient appelés Dieu, comme nous les appelons esprit. C'est une simple question de mots, avec cette différence que dans leur ignorance, entretenue à dessein pour ceux qui y trouvaient leur intérêt, ils leur élevaient des temples et des autels très lucratifs, tandis que pour nous, ce sont des simples créatures comme nous, plus ou moins parfaites et ayant dépouillé leur enveloppe terrestre. Si l'on étudie avec soin les diverses attributs des divinités païennes, on y reconnaîtra sans peine tous ceux de nos esprits à tous les degrés de l'échelle spirite, leur état physique dans les mondes supérieurs, toutes les propriétés du Père-Esprit et le rôle qu'il joue dans les choses de la terre. Pour comprendre le processus d'adoration, il faut reconnaître qu'elle accompagne l'évolution de la créature humaine. Comme l'homme évolue intellectuellement et moralement, il perfectionne ainsi sa conception de Dieu et sa façon de l'adorer. Dans ce sens, nous pouvons accompagner nettement la transformation historique du concept de Dieu dans notre humanité. En partant des idées primitives du polythéisme, un progrès religieux significatif s'est produit avec le monothéisme, même encore attaché aux manifestations du culte extérieur. À ce point de l'histoire religieuse de la planète, notre chemin évolutif s'ouvre en une bifurcation établie par l'avenue du christianisme. Les peuples de l'hémisphère occidental embrassent les idées chrétiennes tandis que les peuples de l'hémisphère oriental restent liés aux traditions religieuses de leur passé lointain. Signalons que le christianisme, en venant éclairer le monde de sa lumière divine, n'a pu détruire une chose qui est dans la nature, mais il fait reporter l'adoration vers celui à qui elle appartient. Quant aux esprits, leur souvenir s'est perpétué sous divers noms, selon les peuples et leurs manifestations qui n'ont jamais cessé, ont été diversement interprétées et souvent exploitées sous l'empire du mystère, tandis que la religion y a vu des phénomènes miraculeux. Les incrédules y ont vu de la jonglerie. Aujourd'hui, face à une étude plus sérieuse, faite au grand jour, le spiritisme, dégagé des idées superstitieuses qui l'ont obscurci pendant des siècles, nous révèle un des plus grands et des plus sublimes principes de la nature. Il faut aussi remarquer que nous sommes encore loin d'adorer Dieu en esprit et en vérité, comme le préconise le spiritisme, rappelant le message chrétien. Beaucoup d'interprétations religieuses portent encore la trace des manifestations ritualistes, visibles dans leurs cérémonies de culte extérieur. À ce sujet, l'Esprit Emmanuel nous rappelle que dès les premiers temps, comme dans l'actualité, l'homme a eu une conception anthropomorphique de Dieu. Dans les périodes primaires de la civilisation, comme les lois de la force brutale prédominaient et comme l'humanité était une agglomération d'êtres qui naissaient de la brutalité et de l'aspérité,